Édipe roi. Adaptation libre d'après Sophocle. Avec Alain Cuny dans le rôle d'Édipe et Germaine Montero dans celui de Jocaste. François Vibert de la Comédie Française, Créon. Jean-Dide Tirésias. Edmond Beauchamp, le messager. Albert Gercourt, le berger. Avec Michel Bouquet, le cœur. Et Nathalie Nerval, le prologue. Direction artistique, Henri Soubéran. Auditeur, on se représente toujours la Grèce comme une colonne blanche. Imaginez maintenant un lieu brûlé, aride, sous un ciel farouche. Des murs de pierre, des murs de briques, des grilles, des égouts, des chambres basses, des portes secrètes, des métamorphoses. La peste. Là s'entre-dévorent de grandes familles en costume de Romanichel et dont les mœurs ressemblent beaucoup à celles d'insectes souterrains. Emplacement idéal pour les dieux qui aiment bâtir et poser des pièges. Les dieux grecs ont la cruauté de l'enfance et leur jeu coûte cher aux mortels. Sans le savoir, Édipe est aux prises avec les forces qui nous surveillent de l'autre côté de la mort. Je vois une route. Un jeune homme marche avec un bâton. Il approche de Thèbes. Soudain, il s'arrête. Il y a là quelque chose qui bouge, quelque chose de petit, de suspect, quelque chose qui fait battre et qui lève le cœur. C'est le sphinx, une espèce d'oiseau-femme, de femme-chienne, de chienne-oiseau, de chienne qui chante, d'oiseau méchant qui pose des devinettes. Si on ne devine pas ces devinettes, il vous tue. Et le petit sphinx bloque la ville de Thèbes. Il y met la famine et le deuil. Édipe a deviné l'énigme. Le sphinx est mort. Ce sphinx n'inspire aucune confiance. Je lui trouve l'air d'un gibier placé là par les dieux comme les chasseurs de lions en disposent devant leur piège. Deviner l'énigme, exterminer le sphinx. Il y a de quoi tourner la tête d'un jeune lion et lui cacher la trappe. Édipe est beau. Il entre à Thèbes, on l'acclame, on le porte en triomphe, même il épouse la reine Jocaste, veuve de Laïus. Il est roi. Les années passent. Il a deux fils, Éthéocle et Polynice, deux filles, Antigone et Ismène. La peste éclate. Mais quel est cet ange noir qui accompagne Édipe, qui lui bande et lui débande les yeux? Ce n'est pas une pièce de théâtre que vous allez entendre, mais un supplice, une cause célèbre, un procès. Un homme au comble de la chance découvre en un jour qu'il était joué par les dieux sans cœur. Devant le palais d'Édipe, au milieu, une sorte de socle en briques, de niche, contenant la statue dorée drapée de rouge d'un jeune homme couché, soulevé sur son coude, la tête droite et la bouche ouverte. C'est le cœur. Contre un mur sur lequel on lit des inscriptions du peuple contre la peste, sont couchés des pesteux. Entre Édipe. Mes enfants, race nouvelle du vieux Cadmus, pourquoi ces palmes? Pourquoi ces plaintes? Personne d'autre que vous ne m'apprendra votre malheur. Je suis venu, moi, Édipe le célèbre. Parle, je serais une brute si je ne m'apitoyais pas. La peste nous tue. La peste est à Thèbes, Thèbes chavire, Thèbes enfonce, la terre et les femmes sont stériles. Le grand prêtre, l'élite de la jeunesse, la foule te supplie. Nous savons que tu n'es pas un dieu, mais le seul mortel capable de nous secourir. Aide-nous, sauve la ville, il y va de ta gloire. Nul ne souffre autant que moi. Chacun de vous souffre en détail. Moi, je souffre pour tous. Je ne dors plus, je pleure. J'ai envoyé Créon, mon beau-frère, au temple de Delphes, demander conseil. D'après les dates, il devrait être de retour. Il approche! Il porte une couronne de feuilles. Ses nouvelles doivent être bonnes. Prince! Mon beau-frère! Que dit le dieu? Il nous ordonne de nettoyer la ville. Pourquoi? Il faut venger Laïus, notre ancien chef. Désinfecter la ville, punir le meurtre. Mais comment trouver la trace d'un vieux crime? Où sont les criminels? C'est chez nous qu'ils se cachent. L'assassin se cache dans Thèbes. Le dieu l'a dit. Laïus avait une escorte. Ne peut-on trouver un témoin? Ils sont tous morts. Sauf un seul qui avait pris la fuite. Il raconte que des brigands ont massacré le roi et son escorte. Quel nouveau malheur vous empêcha de faire l'enquête? Le sphinx. J'éclaircirai encore cette énigme. Au reste, c'est moi que je sauve en vous sauvant, car l'assassin doit comploter ma propre mort. Créon rentre dans le palais. Édipe est immobile. Dieu des liens, nous attendons. Minerve, fille de la foudre, Diane assise sur un trône qui tourne, et toi, Phébus, tireur prodigieux, venez à mon secours. Comme un oiseau bien ailé, le mâle s'élance, et les funérailles se suivent, et les cadavres s'accumulent sans tombe. Fais fuir et renverse dans la mer ce Mars atroce qui nous dévaste sans bouclier, sans armes, et pousse des cris de fou. Et toi, Bacchus, accours avec ta torche, et flambe-nous ce dieu qui fait honte aux dieux. J'ai réfléchi. N'ayant aucun indice, voilà ce que j'ordonne. Si quelqu'un connaît le criminel, qu'il le dénonce. Que la peur ne ferme pas la bouche du coupable. Je lui promets la vie sauve s'il se démasque. L'exil sera sa seule punition. Mais s'il se cache, malgré mes ordres, et qu'on le découvre, je défends qu'on lui parle. Je veux qu'il termine expulsé de partout une existence lamentable. Que Jupiter foudroie le citoyen qui refuserait d'obéir. Prince, puisque tes imprécations me mettent au pied du mur, je me disculpe, car je n'ai pas tué et je ne sais pas qui a tué Laïus. Le dieu accuse. Il devrait nommer. On ne fait pas parler un dieu de force. Accepte un conseil. Parle sans crainte. Tirésias connaît l'avenir, interroge-le. Je n'ai pas oublié ce moyen. Sur le conseil de Créon, j'ai envoyé à sa recherche. Je l'attendais. Tirésias! Apollon exige qu'on découvre les assassins de Laïus et qu'on les punisse par l'exil ou par la mort. Mets ton art à notre service, parle. Devine. Sauve ta ville et ton roi. Hélas, je suis fou d'être venu. Je ne veux rien dire, rien dire. Je ne peux dévoiler ton malheur. Tu sais et tu te tais. Tu veux trahir ta ville? Nous te supplions. Parle, parle. Parle, nous te supplions. Tu n'apprendras rien de moi, imprudent. Les choses se sauront malgré mon silence. Ce silence t'accuse. C'est toi le meurtrier. Si tu n'étais aveugle, je dirais même que tu as tué sans complice. Vraiment? Eh bien, moi, je t'ordonne d'obéir à tes propres ordres et de te taire. Car c'est toi, l'animal impur. Cette parole causera ta perte. Elle me sauve. J'ai la vérité avec moi. C'est ta faute. Tu m'as ouvert la bouche de force. L'oracle est clair. L'assassin du roi est un roi. Répète. dis toi, je dis toi, toi, être l'assassin de l'homme, l'assassin que tu cherches. Tu ne connais même pas ton commerce honteux avec les tiens. Tu ne vois pas à quel degré d'horreur tu te trouves. Tu es aveugle, et nous ne le sommes pas. Personne ici ne te redoute. Rions, messieurs. Est-ce mon charmant beau-frère, fils de Ménécée, qui te souffle ses contes à dormir debout? N'accuse que toi seul. Combien l'envie déteste la fortune. Je n'ai jamais demandé ce trône. Et voilà Créon, l'ami de toujours, qui complote ma chute et paie un charlatan pour faire le coup. Tu vois clair dans ta caisse, Tirésias. Mais comme devin, c'est une autre affaire. Quand la chienne chanta, qui sut répondre? Qui sut répondre quand la chienne chanta? Et pourtant, c'était, il me semble, ton rôle de deviner. Or, c'est moi. Moi, Édipe, un simple voyageur qui les fait taire et qui est compris sans être aidé par les oiseaux. La colère vous change l'un et l'autre. Tu es roi, mais je sers le dieu. Écoute, c'est toi l'aveugle. Tu ne vois pas où tu habites, avec qui tu habites, de qui tu es né. Tu vis caché à toi-même. Tu es ton propre piège. La malédiction aux pieds terribles de ta mère et de ton père te chassera un jour sans gîte et sans yeux. Moi, je te chasse. Je te chasse. Tu m'as appelé. Reste. D'après toi, de qui suis-je le fils? Le jour que nous sommes t'accouchera et te tuera. Voilà bien de l'obscurité. N'es-tu pas malin pour deviner les énigmes? Reproche-moi ce qui fait ma gloire. Tu as perdu. J'ai sauvé la ville. L'homme que tu cherches est ici. Ce métèque est un Thébain de Thèbes et ne se réjouira pas de le savoir. Père et frère, fils et mari, parricide, il courra les routes avec un bâton. J'ai parlé. Je te quitte. Une voix miroitante sort des neiges du Parnasse. Un homme veut fuir les oracles qui arrivent du centre de la terre, mais les oracles s'acharnent et s'enroulent autour de lui. Le devin épouvante la vérité terriblement, terriblement. Que croire? Me tournerai-je contre Édipe? Attendons une certitude, car il a vaincu la jeune fille ailée. Il a désenchanté la ville. Jusqu'à nouvel ordre, je lui garde mon cœur. Citoyens, j'apprends qu'Édipe m'accuse et je ne le supporterai pas. Il t'accuse dans un accès de colère, Créon. Il n'a pas réfléchi. Celui-là? Oui. Toi! Toi! Toi! Comment as-tu l'audace de paraître? Écoute. Est-ce toi qui m'as persuadé de faire venir le fameux devin? Je ne change pas d'avis. À l'époque du meurtre de Laïus, lorsque l'enquête fut inutile, ce devin parlait-il de moi? Pas que je sache. Pourquoi donc en parlerait-il aujourd'hui si vous n'êtes pas d'accord? Je serais fou de vouloir ta chute. Les charges d'un roi sont trop lourdes. Mille fois mieux me plaît mon rôle d'ami du peuple, auquel on demande d'intercéder auprès de toi. Du calme, Édipe. Si je n'évite pas rapidement les coups rapides, le traître gagne et moi je perds. Je te chasse, je te chasse. Prouve les motifs de ta haine. Tu veux désobéir. Parce que tu te trompes. Oh, Thèbes. Thèbes est à tous ceux qui l'habitent. Taisez-vous, prince. Je vois Jocaste. Elle sort de la maison. Prince. Ne rougissez-vous pas de cette scène de famille dans une ville qui souffre? Ne rougissez-vous pas de vociférer dans une ville malade? Ton mari me chasse! Vous criez pour crier! Vous faites des histoires de rien! De rien? Il conspire, je l'ai pris sur le fait! Je jure que c'est faux! Il jure, Édipe, crois-le! Crois-le, crois-le, Édipe! Cet homme n'est plus un enfant! Ne l'accuse pas dans le vide! N'ajoute pas un malheur à mon malheur! J'exige qu'il parte! Quelle chose donc a pu amener une scène pareille? Il m'accuse d'être l'assassin de Laïus. Par qui le saurait-il? Par l'oracle. Il paie les devins. Écoute, Édipe, du calme. Je te dirai que personne au monde ne peut lire l'avenir, et je le prouve. Un prêtre avait prédit à Laïus qu'il mourrait par un fils de moi. Or, des brigands l'ont massacré au carrefour des trois routes. Le fils Nullum, c'est exact. Mais après sa naissance, Laïus lui troua, lui ficela les pieds et le fit abandonner sur une montagne. L'oracle est en faute. Ne t'inquiète plus. Ma femme, j'ai peur. J'ai grande peur. De quoi? Tu dis bien qu'on massacra Laïus au carrefour de trois routes. Oui, en Phocide, où les routes de Delphes et de Dolie se rejoignent. C'est connu. Quel était l'âge de Laïus? Comment était-il? Il était grand. Il blanchissait. Il n'était pas sans rapport avec toi. Et au départ, avait-il une grosse ou une petite escorte? Ils étaient cinq. Une seule voiture conduisait Laïus. C'est clair. Par qui connais-tu ces détails? Par le seul rescapé de l'attentat. Où se trouve cet homme? Il paie les chèvres. À ton avènement, il me supplia de l'envoyer loin de cette ville. Il méritait mieux. Peut-on le faire venir en hâte? C'est facile, mais pourquoi? Ma femme, écoute. Mon père était Polybe, de Corinthe, et ma mère Mérope, d'Orienne. Or, au comble de ma fortune, il m'arriva la chose suivante. À dîner, un ivrogne me dit que j'étais un fils adoptif. J'en parle à mon père et à ma mère, ils s'indignent. Mais la phrase me gênait toujours. J'allais à Delphes, et Phébus me dit que j'épouserais ma mère, que je tuerais mon père, et que j'engendrerais une race ignoble. Alors j'ai fui Corinthe, et je parvins au carrefour des trois routes. J'ai vu le vieillard, la voiture et l'escorte. Ils m'ont bousculé, j'ai frappé, j'ai tué. Si ma victime est Laïus, je souille la couche du mort. Je dois partir et mon exil est le pire exil, car je n'ose revenir à Corinthe où me menacent le parricide et l'inceste. Garde espoir. Attends la déposition du témoin. Oui. Je n'ai plus d'espoir qu'en ce berger. S'il a vu les voleurs, l'hypothèse d'un seul meurtrier tombe d'elle-même. En admettant qu'il se démente, que prouverait son témoignage? Laïus devait mourir par mon fils. Je ne crois plus aux oracles. Rentrons chez nous. Le culte des dieux s'en va. Édipe rentre dans le palais. Jocaste se dispose à le suivre. Entre un messager. Messieurs, où se trouve le palais d'Édipe? Ici même. Il est dedans. Sa femme encore à la porte. Alors qu'elles se réjouissent. J'ai de tristes nouvelles qui sont de bonnes nouvelles. D'où viens-tu? De Corinthe. Édipe va devenir notre roi. Polybe est mort. Le vieux Polybe n'est plus le maître de l'isthme. Oracle, que devenez-vous? Édipe! Qu'y a-t-il, ma chérie? Ma femme Jocaste? Ton père Polybe est mort. Mort? Mort de quoi? De vieillesse. Hélas. Mais qui désormais consulterait les dieux? Je devais tuer mon père, il meurt de vieillesse. À moins qu'il soit mort du regret de moi, les oracles mentent. Te l'ai-je assez dit? Je n'écoutais que mes craintes. N'y pense plus. Je redoute encore l'accouplement avec ma mère. Tenter de savoir l'avenir gâche la vie. Il faut vivre au hasard. En rêve, beaucoup d'hommes couchent avec leur mère. Ils n'y pensent plus au réveil. Ma mère est vivante. Je tremble. Pourtant, tu devrais être rassuré par le tombeau paternel. Jocaste rentre dans le palais. Je me rassure. Mais ma mère est vivante. De qui parles-tu? De Mérope, la veuve. Qu'est-ce donc en elle qui t'effraie? L'oracle. Quel oracle? Cet oracle est-il un secret royal? Pas le moins du monde, il est public. M'est-il permis de t'interroger sur tes craintes? Un oracle m'a menacé de parricide et d'inceste. C'est pourquoi j'ai fui Polybe et Mérope, que j'aimais. Que ne t'ai-je délivré plus vite de tes craintes? En disant quoi? Sache que Polybe n'est pas ton père. Polybe? Il me nommait son fils. Il te tenait de moi. Il t'a reçu de mes propres mains. Heureux de cette aubaine à cause de son lit stérile. Mais toi, tu m'as acheté ou fait? Je t'ai trouvé sur la montagne. Trouvé? Comment? Relève ta robe. Montre-nous tes cicatrices. Je t'ai trouvé sur la montagne, tes pieds blessés peuvent le dire. Un cordon les ficelait. Ai-je porté l'ange ignoble? Ton nom le prouve et c'est l'ange t'ont conduit au pouvoir. Quel est le criminel? Mon père ou ma mère? Je l'ignore. Je t'ai reçu d'un berger de Laïus. Jocaste! Connais-tu le berger que j'attends et dont parle cet homme? N'écoute pas tout ce qu'on te dit. Messieurs, de grâce, Édipe croit tout ce qu'on lui raconte. Il suffit qu'une chose soit atroce pour qu'il la croie. Laissez-le tranquille. Ne le démoralisez plus. Viens. D'indice en indice, je découvrirai ma naissance. Laisse tes recherches. Cette enquête est interminable. Il fait lourd. Je suis à bout. Je saurai les choses. Serais-je fils et arrière-petit-fils d'esclave que tu n'aurais pas à en rougir? Rentre! Non. Je parle pour toi! Non! Non, non! Puisses-tu ne jamais apprendre qui tu es? Laisse-la faire, la vaniteuse. Qu'on m'amène le berger. Infortuné! Voilà le dernier nom d'amour que je te donne! Édipe, ta femme se sauve. J'ai peur. Son silence n'annonce rien de bon. Qu'elle se sauve et qu'elle se taise. Je saurai mon origine. Fût-elle de rien du tout. Cette dame doit rougir de mon obscurité comme une noble qu'elle est. Je serai fier, moi, d'être un fils de la chance. Si je ne me trompe, demain j'apprendrai merveille. Lequel des dieux t'a mis au monde? Es-tu fils d'une conquête de Pan ou de Loxias? Comme un objet trouvé, Bacchus t'a-t-il reçu d'une des nymphes de l'Hélicon avec lesquelles il joue? Voici le vieux berger, le connais-tu? Je le connais. C'était le plus fidèle berger de Laïus. Corinthien, je t'interroge d'abord. Était-ce lui? Lui-même. Et toi, berger, connais-tu cet homme? Non, pas que je sache. Je vais te rafraîchir la mémoire. Ne m'as-tu jamais confié un nourrisson pour que je l'élève comme s'il était mon fils? Et quel est ton but en m'interrogeant? Ce nourrisson, c'est lui. Que le ciel te confonde, tais-toi! J'ordonne qu'on me dise tout. Si tu t'obstines, je te mettrai à la torture. Ne outrage pas un vieux. Qu'on l'attache! Que veux-tu savoir? As-tu donné l'enfant, oui ou non? Oui, et que ne suis-je mort le jour même? Tu mourras si tu mens. Je mourrai si je parle. Cet homme cherche un détour. L'enfant était-il de toi ou d'un autre? D'un autre. De qui? De Laïus. Fils de roi ou fils d'esclave? Légitime ou bâtard? Hélas. Légitime ou bâtard? Je suis auprès de la chose terrible à dire. Et moi auprès de la chose terrible à entendre. Mais pourtant il faut l'entendre. C'était son vrai fils. Ta femme peut le certifier. Est-ce elle qui te l'a remis? Oui, prince, pour le mettre à mort. Une mère. Elle craignait l'oracle. Quel oracle? Il devait tuer ses parents. Pourquoi l'as-tu laissé vivre? J'ai eu pitié. Je suis né de ceux dont il ne fallait pas. J'ai fécondé celle qu'il ne fallait pas. J'ai tué celui qu'il ne fallait pas. Lumière est faite. Édipe rentre dans le palais. L'homme et le néant se valent. Ton destin, Édipe, empêche d'envier aucun mortel. Tu avais tiré ta flèche plus loin que tous. Après avoir étouffé les chansons obscures de la jeune fille à griffes, tu régnais sur Thèbes. L'œil du temps perce la nuit profonde. Il t'a découvert malgré toi. Édipe illustre, cher Édipe, un ventre de mer ne peut-il devenir bouche terrible et crier « Halte !» La voix du sang n'est-elle donc pas assez forte pour éclairer la nuit du corps humain ? Hélas ! Plutôt au ciel que je ne t'eusse jamais connu ! Je ne peux que te plaindre, car grâce à toi j'ai repris haleine. Je respirais par toi. Je dormais par toi. Je t'aimais. Eh bien, vous allez apprendre un nouveau malheur. Puis-je en apprendre davantage? C'est vite dit. La tête divine de Jocaste est morte. Jocaste! La reine. Oh, la malheureuse. Comment est-elle morte? Par elle. Sitôt dans le vestibule, elle se précipite vers la chambre nuptiale en empoignant ses cheveux à pleine main. Elle claque les portes et s'enferme à double tour. On l'entendit sangloter, crier, appeler Daïus, se plaindre de l'épouvantable mélange de fils et d'époux. Et j'ignore comment elle est morte, car Édipe frappait, hurlait, voulait entrer de force. Et quand il eut fait sauter le verrou, nous vîmes la femme pendue. Il pousse un cri d'animal. Il coupe les cordes. Elle tombe. Il accouche. Il arrache sa broche d'or. Il se frappe les yeux en soulevant ses paupières, en criant qu'il ne verrait pas ce qu'il ne fallait pas voir. Et il frappait, frappait, frappait. Et un sang noir coulait, coulait. Et il lui mouillait le menton. Et il ne coulait pas des gouttes, mais une grêle, mais une inondation de sang noir. Et maintenant, quel est son état? Il exige qu'on ouvre les portes. Il veut montrer à tous le parricide, le bouc de sa mère. On ne peut pas répéter les mots sacrilèges qu'il emploie. Regarde la porte! Je t'annonce un spectacle qui attendrirait un ennemi mortel! Je n'ai jamais rien vu de plus terrible. Pauvre Édipe. Quel dieu te piétine et saute sur toi de grands sauts. Je voudrais te demander beaucoup de choses, examiner avec toi beaucoup de choses. Mais hélas, tu donnes à moi un tel frisson. J'ai mal! Hélas! Hélas! Où file? Où part ma force? Où se jette mon sort? Dans un trou sans fond, impossible à mesurer, impossible à voir. Je suis la nuit profonde. Je suis le roi devenu nuit. Je suis de la nuit en plein jour. Oh, mon nuage d'obscurité sans bornes. Des épingles, des souvenirs me trouvent. Édipe, Édipe. Oh, mon ami, tu plains l'aveugle. Tu me restes fidèle. Je reconnais ta voix. Pourquoi t'es-tu crevé les yeux? Quelle main te poussait? Apollon, mes amis, c'est Apollon. Il me torture. Mais c'est moi, moi seul qui ai crevé mes yeux. Pourquoi des yeux? Que voulez-vous que j'en fasse? Il ne me reste rien à voir de possible. Ni mes fils, ni mes filles, ni la ville, ses maisons, ses statues, ses remparts. Je suis barbouillé de semences immondes. Mon sang n'est même pas du sang. Chassez-moi. Chassez le fléau. Chassez la bête impure. Je désapprouve ton acte. Mieux vaut mourir que d'être aveugle. Mourir? Vous perdez la tête? Comment oserais-je me présenter devant mes morts? Comment oserais-je regarder mes morts face à face? Oh, si on pouvait se crever les oreilles, je les crèverais, je me fermerais, je me murerais. La nuit complète doit être bonne. Vite, vite, qu'on me chasse, ou alors qu'on m'achève, qu'on me noie, qu'on en finisse. Je n'en peux plus. Allez, allez, cognez, lapidez. N'ayez pas peur de porter les mains sur moi. Voici Créon. Il gouverne à ta place. Il décidera. Édipe, je ne viens pas pour t'insulter. Mais vous tous, respectez le soleil. Cachez l'homme noir. Des horreurs pareilles ne doivent pas sortir de la famille. Qu'il rentre à la maison. Chasse-moi. Chasse-moi, vite. Je consulterai d'abord le dieu. Quoi? On dérange le dieu pour un individu de mon espèce. Ton histoire prouve qu'il faut écouter les dieux. Laisse, Créon. Ne t'inquiète pas de moi. Je ne te demande aucune aide, non plus pour mes fils. Ils peuvent gagner leur vie. Mais je te recommande mes filles. Elles ont toujours mangé à ma table. Et surtout, permets que je les touche, que je les caresse. Créon, qui pleure? Ce sont elles. Te dois-je cette grâce adorable? Antigone et Ismène descendent les marches du palais. Oui, j'avais deviné ton désir. Sois béni. Ô mes petites, mes toutes petites filles, approchez, approchez. Venez sous mes mains fraternelles. Que d'insultes vous devrez entendre, que d'avanies vous devrez subir. Qui vous épousera? Qui les épousera? On n'épouse pas les filles d'Édipe. Créon, homme généreux, protège-les puisque tu restes leur seul père, car leur mère et moi sommes des morts. Promets de les rendre heureuses, promets, fils de Ménécée, promets, touche ma main. Rentre, tu gémis trop, ne te donne pas en spectacle. Je rentre à une condition. Laquelle? Chasse-moi de Thèbes. Que les dieux décident. Ils me haïssent. Alors, s'ils te haïssent, tu seras exaucé. Viens, lâche tes filles. Ne me les ôte pas. Cesse de vouloir. Ce que tu as voulu ne t'a pas si bien réussi. Antigone et Ismène restent seuls, enlacés sur les marches. Édipe et Créon sortent. Thébain, regardez cet Édipe. Il devinait les énigmes. Il était roi. On l'aimait. Il n'enviait personne. Il s'écroule. Ne dites jamais qu'un homme est heureux avant qu'il ne tourne sa dernière page. Ici s'achève Édipe roi de Jean Cocteau. adaptation libre d'après Sophocle. Donnée avec la distribution que voici. Alain Cuny, Édipe. Germaine Montero, Jocaste. François Vibert, de la Comédie Française, Créon. Jean Dide, Tirésias. Edmond Beauchamp, Le Messager. Albert Gercourt, Le Berger. Et Michel Bouquet, Le Cœur. Nathalie Nerval, Le Prologue.